Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième saison de Mission Impossible. Notre mission, vous expliquer les phénomènes scientifiques du quotidien et mieux encore, le fonctionnement passionnant de nos industries. Pour cela, nous disposons de 30 minutes au cours desquelles nous expliquerons, discuterons et viendrons à votre rencontre pour percer des mystères scientifiques. Qui sommes-nous ? Une équipe d'étudiants ingénieurs de l'ENSIC totalement animée par les sciences. Notre école, l'ENSIC, vous la connaissez, elle est présente à Nancy depuis 1887 et elle se situe près de la pépinière. Son credo, c'est de transmettre les méthodes physiques et chimiques qui permettent de transposer à l'industrie ce qui se passe à l'échelle du laboratoire. Rien ne lui échappe, chimie, énergie et environnement, tous les grands enjeux actuels sont concernés. Alors, j'espère que vous êtes prêts à partager un moment de science en notre compagnie. Aujourd'hui, je suis en présence de trois chroniqueurs que sont Thomas. Bonjour à vous. Léa. Salut. Et Thibaut. Salut à tous. Alors si je dis pas de bêtises, c'est Léa qui va commencer et Léa, en tant que chimiste en herbe, tu vas nous parler du glyphosate. Super la blague Axel, merci beaucoup. En effet, je vais vous parler du glyphosate. Donc est-ce que le glyphosate c'est un vrai poison ou un sujet controversé ? Donc je sais pas si vous avez écouté les informations il y a quelques mois les garçons, mais j'ai entendu dire que la SNCF, donc oui la compagnie de train, elle arrêtait d'utiliser du glyphosate pour tuer les mauvaises herbes et comptait utiliser un autre désherbant qui respecte mieux la nature et moins dangereux pour la planète. Mais pourquoi le glyphosate fait-il autant parler de lui ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du glyphosate les garçons ? Moi, ouais, je sais que c'est un désherbant, mais au-delà de ça, rien de spécial. Ouais, moi, j'avais entendu parler qu'il pouvait être utilisé dans l'agriculture, il me semble. Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai entendu parler, oui, mais c'était souvent dans des conversations où, justement, c'était controversé de l'utiliser ou de l'interdire. Le glyphosate, c'est un produit chimique présent dans différents herbicides pour éliminer les plantes indésirables. Peu cher et efficace et facile d'utilisation, il est prisé par les agriculteurs, mais largement controversé, accusé d'être nocif. Donc en fait, pour mieux comprendre pourquoi le sujet il est controversé, revenons quelques années en avant. Donc en novembre 2020, il y a une loi qui a été passée pour interdire l'utilisation de ce pesticide dans les 3 ans à venir en France. Donc info importante, est-ce que vous savez combien de tonnes sont vendues dans le monde de glyphosate ? Bah du coup, j'en ai aucune idée, vu que en plus ça va, plus c'est interdit, j'ai vraiment pas d'idée là. Ouais, moi non plus, enfin je sais même pas si c'est vraiment utilisé uniquement en France ou si c'est vraiment le produit... Plus pareil, dans le monde, la quantité que tu utilises rien qu'en une fois, je sais pas. Est-ce que c'est vrai, ouais, c'est ça ouais. Après 2 ans de pandémie, le glyphosate est toujours là, mais sa consommation a légèrement baissé en France, passant de 8749 tonnes à 8645 tonnes entre 2016 et 2021. Finalement, le président Emmanuel Macron il a abandonné l'objectif de l'interdire, ne jugeant pas faisable de le supprimer. Mais bon, parlons un peu de son utilité. Pourquoi autant d'agriculteurs l'utilisent-ils ? En agriculture, le glyphosate est utilisé pour 3 grandes catégories d'usage. Est-ce que vous avez des idées, les garçons ? Tuer tout ce qui est mauvaise herbe. Ouais. Si c'est un pesticide, peut-être aussi éloigner certains insectes. Ouais. Non, je ne suis pas particulièrement inspiré par la question. Eh bien, je suis d'accord. Donc, en fait, c'est bien pour enlever les mauvaises herbes telles que les liserons, gérer ou détruire des couverts ou prairies et éliminer le verdissement des passerelles. Du coup, c'est avant qu'on traite bien les sols. Et du coup, en fait, le souci, c'est que le glyphosate, il comporte beaucoup de risques pour la faune, la flore et la terre. Donc, dans le cas de la SNCF, du coup, c'est ce qu'on a dit en amont, c'est le premier consommateur français de glyphosate et la compagnie, elle emploie pour désherber les chemins de fer. Donc, finissons par ce qui nous intéresse le plus. Est-ce que le glyphosate est-il vraiment dangereux pour la santé ? Qu'en pensez-vous, les garçons ? Bah, je pense à très faible dose, non, mais c'est sûr que si tu utilises dans toute l'agriculture française, ça doit avoir quand même des... Ouais, puis à l'échelle de la SNCF, vu qu'ils l'utilisent, à mon avis, sur tout leur chemin de fer, il y en a quand même partout et sur des distances très grandes, donc je pense que ça doit pas être ouf pour les sols et les nappes phréatiques, j'imagine, vu que ça va... Et puis moi, je pense que quand ils le répandent un petit peu, ça doit impacter les populations locales. Ouais. C'est surtout pour ça que c'est un sujet controversé. Donc en fait, en premier, il faut comprendre que glyphosate, c'est une molécule. Il faut du coup distinguer la molécule et le produit final qui comporte le glyphosate. Donc ce sont vraiment les produits commercialisés qui sont dangereux, car le glyphosate, il n'est jamais vendu pur. Donc prenons l'exemple du coup d'une recette de cuisine. Les ingrédients pris un par un, ils sont tous bons. Mais quand on les mélange dans de mauvaises proportions... et avec un mauvais assortiment, le plat final, eh bien, il peut être très mauvais. Du coup, on peut penser, avec cette réponse, qu'il n'est pas dangereux. Mais avec le temps, de nombreuses recherches, elles ont été faites sous cette molécule, la classant comme molécule cancérigène probable. Du coup, de plus, il y a eu d'autres études montrant que si les personnes employant quotidiennement les produits contenant du glyphosate, elles auraient plus de chances de développer un risque de développer un cancer du sang, accru de 41%, donc c'est quand même un fort pourcentage. Donc ce qui place donc le glyphosate dans une mauvaise posture. Du coup, pour conclure, le glyphosate, c'est un très bon herbicide, peu cher, efficace, mais il reste tout de même très dangereux pour les hommes et pour l'environnement. On peut donc comprendre la décision de la SNCF d'utiliser un nouveau herbicide moins efficace, plus cher, mais fabriqué à partir d'ingrédients naturels. Eh ben merci Léa. Bon, j'espère juste quand même que les désherbants qui seront utilisés seront aussi rapides à tuer ces mauvais herbes, hein, parce que moi, il est hors de question d'arriver en retard parce que le pissenlit sur la ligne Bordeaux-Paris fait du zèle. Hein. Bon, désolé pour ce petit énervement, j'aurais pas dû craquer. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est des craquements dont tu vas nous parler, Thibaut. Exactement. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui a fait, et qui d'ailleurs fait toujours débat au sein de la population. Axel vous l'a un petit peu spoilé, le craquement des doigts. Alors, vous savez, d'un côté, on a ceux qui utilisent cette technique pour se détendre et se relaxer un petit peu, et de l'autre côté, on a les gens qui détestent ça et qui nous le font bien comprendre, qui exècrent ce bruit et qui, dès qu'ils l'entendent, souvent utilisent cet argument pour justifier leurs propos. C'est pas très malin de faire ça, tu vas avoir les doigts tordus, tu vas avoir de l'arthrose, tu vas avoir mal aux doigts plus tard. Donc, je vais pas tout de suite vous demander si vous savez comment ça marche, je veux dire physiologiquement parlant, qu'est-ce qui se passe dans le corps humain quand on craque nos doigts. Mais plutôt que vous êtes de quel côté du débat? Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous détestez ça? Moi, ça me dérange pas perso, parce que je le fais. Moi, je le fais très souvent, donc... Ouais, moi, ça me dérange un peu, mais j'avoue que j'aime bien le faire. Donc, Ouais, c'est vrai que quand j'entends les gens le faire, ça m'énerve un peu. Mais j'aime le faire. Okay, c'est un peu contradictoire. Moi, ça me dérange pas de les écouter. Donc, j'ai plutôt trois personnes qui aiment bien se faire craquer ses doigts, mais pas forcément l'entendre quand c'est une autre personne. Okay. Et toi, Thibaut? J'y viens. À titre personnel, justement, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Ça me dérange pas particulièrement d'entendre quelqu'un à côté. Je trouve ça sympa. Voilà, j'avoue que parfois, ça me détend un peu. Et justement, quand je suis à côté de quelqu'un dont je sais que la personne n'aime pas ou que ça tend un petit peu, j'aime bien le faire un petit peu à l'excès. Mais bon, rentrons dans le vif du sujet. Il faut savoir qu'au niveau du corps humain, il est possible de craquer nos différentes articulations avec plus ou moins de facilité. Les doigts, les coudes, les genoux... En fait, nos articulations sont lubrifiées entre elles par le liquide synovial. Donc le liquide synovial, c'est un liquide rempli de petites bulles de gaz. En gros, les articulations, pour vous le représenter, il faut imaginer que vous collez vos deux poings l'un contre l'autre et qu'entre vos phalanges, il y a un espèce de liquide qui permet justement à l'articulation d'être plus souple et de pouvoir gagner de l'amplitude au niveau de vos mouvements. Puisque sans articulation, on serait raide comme des pantins. On ne pourrait pas plier nos bras, on ne pourrait pas plier nos jambes, etc. Donc... Le liquide synovial qui contient des petites bulles de gaz, forcément, quand on appuie sur notre doigt, les petites bulles explosent, et c'est cette explosion qui provoque le bruit de craquement bien connu. Et maintenant, sur l'aspect dangerosité et sur le risque que peut contenir le fait de se craquer les doigts à long terme, et de quand on se craque les doigts de manière régulière, je vais vous parler d'un drôle de bonhomme. Donald Unger est un allergologue américain qui faisait craquer ses doigts régulièrement quand il était petit, comme beaucoup d'enfants. Et comme beaucoup de parents, sa mère lui répétait sans cesse d'arrêter de le faire, sous peine d'avoir... Tous les problèmes que je vous ai cités au début de l'émission, et notamment de l'arthrose. Et c'est là que Donald a une idée géniale, d'ailleurs je sais pas pourquoi ça a mis autant de temps, pourquoi personne n'y a pensé avant. Pendant les 50 années de sa vie qui ont suivi, il a décidé de ne craquer que les doigts de sa main gauche, et jamais les doigts de sa main droite. Donc en gros la gauche il continue de la craquer régulièrement, et la droite il est touché jamais. Et à l'issue de ses 50 années d'expérience, et quelques milliers de craques plus tard, il a fait des analyses médicales sur ses mains, et les analyses médicales n'ont révélé absolument aucune différence notable. Conclusion: faire craquer ses doigts ne provoque pas d'arthrose ou de torsion particulière des doigts. En revanche, faire craquer ses doigts de manière trop vigoureuse ou trop répétitive, voilà, trop souvent, peut entraîner des douleurs au niveau des tendons, puisqu'en fait, les tendons, c'est grosso modo, c'est comme des élastiques, donc vous imaginez bien que si vous tirez tout le temps sur l'élastique, au bout d'un moment, l'élastique casse, et c'est ce qui peut provoquer des douleurs, comme des tendinites, par exemple. Et de plus, selon une étude de 1990, cela pourrait également provoquer une diminution de la force de la main, donc une perte de la force dans la poignée de main, si vous vous craquez trop les doigts. Mais cette affirmation, cette hypothèse n'a pas été reconfirmée depuis par de nouvelles recherches, donc on peut émettre peut-être quelques doutes, ou en tout cas ne pas être sûr à 100% de cette information. Vous pouvez donc continuer de vous craquer vos doigts sans aucun souci, et n'hésitez pas pour embêter un peu vos voisins ou vos amis. Est-ce que c'est la même chose pour le dos ou autre? C'est pas dangereux? Après le dos c'est pas vraiment une articulation, tu vois, c'est pas c'est plein d'articulations différentes. Ouais, c'est pas ton dos qui craque quoi. Oui, non, c'est mais les articulations. C'est les articulations, ouais, mais du coup il y a pas de risque non plus. Je t'avoue que je sais pas trop. Moi j'imagine que non, sinon les ostéopathes à chaque fois il te fait perdre 2 ans d'espérance de vie. Enfin bon, merci Thibaut. Bon, je suis rassuré que tu me dis ça parce que je t'avoue que moi ma copine elle me fait quand même vachement craquer et j'avais peur que ce soit un peu dangereux pour la santé. On se retrouve tout de suite après Painting Black des Rolling Stones. hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Voici de retour sur Radio Fadjet. Alors au moment où l'on tourne cet épisode, je tiens à vous informer que le ciel, les rues et les voitures sont jaunies. Moi qui m'attendais à voir de la neige à Nancy, je pensais pas devoir sortir ma pelle et mon seau pour faire des châteaux de sable. Bon, si je dis ça, c'est parce que je crois que Thomas va nous parler des couleurs, ou plus précisément, des peintures. Du coup, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, je voulais mettre un peu de couleur dans votre vie. Je voulais vous parler de céruléen, de carmin et même de coquille d'œuf. Alors, je vous rassure, je délire pas du tout. Je me suis dit qu'un peu de peinture ici, ça ferait du bien parce que les locaux, je les trouve un peu ternes parfois. C'était gratuit. Yves, quand il va voir ça... Et du coup, je voulais vous parler de deux choses. Déjà, bon, une peinture, tout le monde connaît. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans, en termes d'ingrédients? Des pigments, mais ouais, je pense que... La résine. Ouais. Du coup, il y a des composés, il y a des coves. Puis ça dépend, non? Ça dépend s'il y a, si c'est une peinture à l'huile. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'allais dire de l'eau aussi, mais du coup... Ouais, c'est ça. Alors, en fait, globalement, il y a quatre gros ingrédients. Il y a donc un solvant, bon, c'est quand même la majeure partie. Donc généralement, bon, c'est le liquide qui va donner la texture à peinture. Donc généralement, c'est soit ça va être des huiles pour les peintures à l'huile, de l'eau pour les peintures à base d'eau ou d'autres solvants organiques. On a également les pigments qui donnent la couleur, de la résine qui permet de faire le lien entre toutes les parties, également ce qu'on appelle des charges, donc c'est également des poussières solides. Donc généralement, on utilise beaucoup de talc. Ça permet de donner une certaine onctuosité à la peinture et c'est plus simple que de rajouter des pigments parce que les pigments, ça coûte cher. En France, on est le quatrième pays européen en termes de production de la peinture. La moitié, ce sont des peintures à base d'eau, l'autre à base de solvant. Le problème, c'est ces dernières qui posent un petit problème, surtout qu'on en parle en ce moment, et c'est ce qu'on appelle les coves. Alors, aucun rapport avec le Covid, on en a déjà assez entendu parler, on en a un peu marre. Les coves, ce sont des composés organiques volatiles. Accrochez-vous bien, je vais vous donner la définition et une explication des coves, parce que c'est pas simple. D'après le Conseil européen de 1999, les coves sont tout composés organiques ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 20 degrés. Alors oui, je sais, c'est pas simple. Donc déjà, 0,01 kPa, bah, niveau pression, c'est 10 000 fois inférieur à la pression de l'air en temps normal. Pour ce qui est d'un composé organique, eh bien, c'est une molécule qui contient au moins un atome de carbone, ayant au moins un des éléments suivants bah, dans la molécule, donc soit de l'hydrogène, de l'oxygène, du soufre, de l'azote ou du phosphore. Par exemple, le CO2, bah, c'en est un composé organique. Le souci, bah, les COV, on les trouve en grande quantité dans les solvants organiques des peintures, et bah, ça se transforme en gaz à de faibles pressions. Donc bah, à la pression atmosphérique normale. Et ils peuvent s'échapper du coup facilement de la peinture si on la laisse ouverte ou quand on va la déposer pour peindre. Et la majorité d'entre eux, bah, ils sont toxiques. C'est pour ça que lorsqu'on utilise les peintures à base de solvant et pas à base d'eau pour refaire les murs de sa chambre, bah, il faut aérer parfois 24 ou même 48 heures avant de pouvoir dormir dedans. Sinon, on risque d'avoir un peu la tête qui tourne, voire carrément faire un malaise. En Europe, on essaie de réduire les utilisations parce que, bah, forcément, étant toxique, on essaie de revenir doucement, bah, plus sur des peintures à l'eau, et c'est vrai que c'est ce qu'on fabrique de plus en plus avec le temps. Mais concrètement, comment que c'est fait une peinture à l'eau? Eh bien, tout commence dans une usine. Bon, c'est vrai que c'est quand même mieux. Les différents composants y sont livrés, donc l'eau, pigments, résine et les talcs. On utilise des grands mélangeurs pour préparer le mélange talc et pigments d'un côté, et l'eau et une partie de la résine de l'autre. Ensuite, bah, les pigments ils passent dans un énorme broyeur qui va ce qu'on appelle les disperser dans la résine restante. C'est-à-dire qu'ils vont mélanger extrêmement fort pour que les pigments se trouvent en grande quantité partout dans la résine. Et on appelle le résultat une dispersion, c'est-à-dire un mélange de particules solides dans un liquide. Ensuite, on ajoute l'eau en très grande quantité, souvent entre 60-70% du poids total de la peinture, pour donner la bonne texture à notre peinture. Évidemment, ensuite, on va ajuster la couleur avec des compléments pigmentaires ou du talc pour avoir la bonne nuance qu'on souhaite vendre. On remplit les pots, on stocke ça et pouf, on les retrouve en magasin de bricolage. Et nous, tout contents, on peut aller choisir notre couleur pour l'acheter et l'utiliser chez nous. Donc c'est vrai que les peintures organiques commencent à être de moins en moins vendues, mais elles sont surtout faites de base pour pouvoir les utiliser en extérieur, pour refaire par exemple les parois extérieures d'une maison. Forcément, étant tout de suite à l'air libre, ça s'utilise facilement. Comme quoi, bah, la peinture, c'est comme simple à faire quand on s'y connaît, et pourtant, ça reste un domaine très technique et poussé. Retenez juste que les peintures à base d'eau, elles sont moins toxiques que les autres, donc c'est pour ça qu'on va les utiliser plutôt à l'intérieur. Allez, je vous laisse. Comme dirait la reine de cœur, j'ai des roses à les peindre. Eh ben super, merci Thomas. Écoute, j'espère que l'humour, la prochaine fois, tu me laisseras le faire. On se retrouve tout de suite après une petite interlude musicale avec Toxic de Britney Spears. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Do I think I'm done? Losing my hands, spinning around and round. De retour sur Radio Fadjet, je suis toujours en compagnie de Thomas, Léa et Thibaut qui nous ont fait de superbes chroniques sur le glyphosate, les peintures et le craquement des doigts. Si vous n'avez pas pu malheureusement écouter ces superbes chroniques, je vous invite à aller les regarder sur nos différents réseaux sociaux pour les écouter en podcast. Donc maintenant, on va passer à la partie que tout le monde apprécie, j'imagine, dans l'équipe. C'est la partie un petit peu jeu. Voilà, donc j'ai essayé d'innover un petit peu aujourd'hui. Et ce que je vous propose, en fait, c'est que vous allez avoir 20 secondes chacun. Au cours de ces 20 secondes, le but, ça va être de répondre à un maximum de questions. Ah oui, très innovant, en fait. Ouais, voilà. Ça ressemble à une certaine émission, mais... Mais ça n'a rien à voir, c'est deux choses complètement différentes. Menteur. Voilà, donc les questions, je vous avoue que vous serez peut-être... Il y en a une partie des questions qui sera sur les peintures et une partie des questions qui sera sur le corps humain. malheureusement, vous ne choisirez pas vraiment si vous avez le droit à une question sur les peintures ou le corps humain. Ok. Donc le glyphosate, on lui dit bye bye. Voilà. Nul le glyphosate. C'est très sympa en fait. Hein. Mais on peut passer les questions, je veux dire. Non, t'es obligé de répondre. Non, mais si tu nous poses la question et on sait pas répondre ou on donne la mauvaise réponse, il se passe quoi ? Tu dis, bah t'as pas de points. C'est par oui et par non ? Ah, ok, mais... Pas forcément. Ok. Pas forcément. J'ai trop hâte. Non, mais j'ai pas compris, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu réponds aux questions. T'as qu'à pas être débile. Réponds aux questions, c'est tout. Que ça soit juste, que ça soit faux, tu verras après. On va commencer avec Thomas, si t'es prêt. Ouais, c'est super stressant, c'est horrible. Écoute, tu vas commencer avec les questions sur les peintures. C'est marrant, je suis même pas sûr. Est-ce que t'es prêt, Thomas? Beaucoup trop de suspense pour cette question. Ouais, c'est bon, je suis prêt. T'es prêt? Ouais, on va faire avec. Top. Quelle est la couleur de peinture la plus chère? Le blanc. Alors, largement considéré comme le pigment le plus cher de tous les temps, qui est plus cher que son poids en or, le pigment de lapis-lazuli a été fabriqué à partir de broyages de pierres semi-précieuses de lapis-lazuli. J'allais dire voilà. Bleu chudeg. On va continuer. Quelle est, selon toi, la couleur de peinture la plus difficile à peindre sur une voiture? Ah bah, je vais retenter le blanc. Et non, c'est le noir. Voilà, j'ai pas plus d'explications, mais c'est le noir, malheureusement. Bah, j'hésite entre les deux. Il te reste 5 secondes. Quelle couleur de voiture est la plus chère? Blanc. Je reste sur le blanc. Désolé, mais cette fois, c'est le rouge. Alors ça, c'est vrai que je sais pas pourquoi le rouge, mais ma mère avait eu des difficultés à avoir une peinture rouge sur sa voiture. Apparemment, moi, je sais que c'est la maman de ma meilleure copine. Elle m'a toujours dit que le rouge, en fait, ça attire le plus de personnes. Du coup, ils mettent plus cher. Et en plus, c'est les voitures qui ont le plus d'accidents. Je confirme, dans ma famille, on n'avait que ça. Super. Que de bonnes nouvelles. C'est pas, voilà. C'est pas censé être une fierté, Thomas. Ah bah non, c'est pas une fierté du tout. J'ai une famille de chauffeurs. Pas de chauffard. On va passer désormais à Léa. Voilà. J'espère que Léa, tu es prête, tu vas avoir des questions sur le corps humain. Ça va être compliqué de faire pire que moi. Aïe. Faut que t'aies au moins une bonne réponse. Ok. Est-ce que t'es prête? Non. Mais c'est oui. Parfait. Top. Combien de grammes pèse en moyenne un cœur humain à 100 grammes près? 500? Et non, désolé, ça pèse simplement 300 grammes. Voilà. Ah, en plus, j'ai failli dire 300. Dommage. Bah, alors, c'est dommage. Je t'avoue que moi, je m'attendais un peu plus, mais c'est vrai que c'est pas énorme. Il te reste 12 secondes. Quel est l'os le plus long du corps? Le truc du tibia? Le truc du tibia? C'est le fémur. C'est le fémur. Soit c'est le tibia, voilà. Soit c'est autre chose. Ah, t'étais pas très long. Ouais. T'étais dans la jambe, mais c'est l'autre. Bah, oui, Est-ce que t'es prête? Parce que là, t'auras le temps, à mon avis, de faire qu'une seule dernière question. Vas-y. Dans quelle partie du corps se trouve l'enclume? L'enclume, dans les doigts. Ah, et non, c'est l'oreille. Dommage. C'est avec le marteau okay. L'étrier. Voilà. Pourquoi bon, moi j'ai bien. Pas eu la 0-0 parce que j'ai l'impression que t'aurais si on fait triple 0, la honte des ingénieurs. Le corps humain, je l'avais. Voilà. Les ingénieurs nuls. Genre. Et comme Thibaut, t'es mon préféré, tu préfères quoi? Des questions sur les peintures ou sur le corps humain? Je suis sûr que je vais dire un truc, tu vas me mettre l'autre. Allez. Peinture. Corps humain. Ça va partir sur le corps humain. Ok. Bon, écoute, j'ai l'impression que le meilleur format, c'est quand même de faire des questions, 3 questions. Donc, tu auras le droit aussi à 3 questions. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Quelle grande cavité du cœur se contracte et expulse le sang vers les artères? Les artères. Quelle grande cavité? Du cœur se contracte et expulse le sang vers les artères. Ah, oh, je suis dégoûté. C'est pas un truc qui s'appelle le vesticule, un truc comme ça, non? Ventricule plutôt, c'est plutôt ventricule. C'est le ventricule, je peux pas te l'accorder. Non, normal. Oh, le vesticule. J'étais pas loin. Comment s'appelle la substance qui, dans l'oreille, arrête les poussières et les insectes? C'est pas la cire? Le cérumen. C'est le cérumen, voilà. Super. Attends, il a un point ? Non, il a pas de point, il a dit d'acier. Il en est hors de question. Oh, c'est honteux comme performance. Oh, c'est honteux pour nous trois. Bon, je suis désolé Thibaut, mais là, avec vesticule et cérumen, je vais être obligé de t'empêcher de faire la troisième question. T'es éliminé, hein. Là, c'est irrévocable. Si jamais vous avez manqué les chroniques d'aujourd'hui, je vous invite à nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Et sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine émission. À bientôt !